ce qui n'arrive qu'aux autres, qu'on lit dans un journal. Voilà. Rien qu'un fait divers, trois lignes en bas d'une page, qu'on découvre sur le zinc et d'un bar, par hasard. Juste un fait.